Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Arthur Buy, libre penseur et visionnaire. Il était essayiste, chroniqueur, polémiste, pamphlétaire, et certains ont eu tendance à le pousser du côté du journalisme, alors qu'il était beaucoup plus qu'un journaliste. Il était en avance de son temps, absolument. C'est un homme de la Révolution tranquille. Pour le professeur Laurent Maillot, qu'on entend à l'émission Au fil du temps en 1991, les idées que défend Arthur Buy au 19e siècle seront celles que reprendront, un siècle plus tard, les artisans de la Révolution tranquille. Anticlérical farouche, Arthur Buy en viendra pourtant à travailler de concert avec le curé Labelle pour le développement et la colonisation de la région des Laurentides. C'est d'ailleurs grâce à une série comme Les belles histoires des pays d'en haut dans les années 50, puis plus récemment avec la série Les pays d'en haut, que la figure d'Arthur Buy sortira de l'ombre pour être redécouverte par le grand public. C'est l'ancienne loi sur le territoire, ça? Oui. Puis ça, c'est les directives d'application et tous les conflits de juridiction depuis 10 ans. Merci, t'es au courant? Ah, merci. Dans son bureau de premier ministre à Québec, il est pas obligé de savoir tout ce qui se passe à Sainte-Adèle. Hein? Tu pars en guerre contre lui? Je pars en guerre contre toutes les compagnies forestières qui veulent voler les terres de mes colons. Puis ici, ça va être notre quartier général. C'est ma chambre. Bien généreux de ta part, Arthur. Ensemble, on va faire le cadastre de toutes les meilleures terres de la vallée de la Lièvre. Les compagnies forestières ne laisseront pas faire, tu le sais. Trouve-moi une façon de donner meilleure terre aux colons puis pas aux grosses compagnies, c'est tout ce que je te demande. Tant qu'à faire, on va être bloqué à partir du lac Nomineng puis on va remonter tout le long de la Rouge. Sérieux? Faut faire ses solides si on veut que ça change. Arthur... Arthur! Cœur de lion! C'est Richard. Richard Cœur de Lion. Pas pour moi. Moi, c'est Arthur. Extrait de la série « Les pays d'en haut » réalisé par Sylvain Chambaud en 2016. Vous y entendiez le comédien Antoine Bertrand jouer le rôle du curé Labelle et Paul Doucet interpréter celui d'Arthur Buy pour nous raconter le parcours assez singulier d'Arthur Buy et nous parler aussi de ses idées plutôt avant-gardistes pour l'époque. Mon invité est Alex Tremblay-Lamarche, qui est doctorant en histoire à l'Université Laval et à l'Université libre de Bruxelles. Alex Tremblay-Lamarche, bonjour. Bonjour. Commençons par ce qu'on vient d'entendre, parce que la plupart des auditeurs, ce qu'ils connaissent d'Arthur Buy, c'est justement ce personnage qu'on a vu dans une série, Les belles histoires des pays d'en haut dans les années 50, puis plus récemment, la nouvelle série qui tourne autour du même thème, Les pays d'en haut. Dans quelle mesure ce qu'on nous a présenté à la télé dans ces séries correspond à ce qu'était vraiment Arthur Buy? Ce qu'on nous a présenté récemment est déjà un peu plus proche de ce qu'était Buy, mais ce qu'on nous présentait dans les années 1950 était vraiment pas proche du tout de ce qu'était Buy. Claude-Henri Grignon n'aimait pas vraiment Buy et il avait décidé de tuer Buy pour mieux pouvoir le ressusciter, mais ressusciter un Buy qui est fade, qui était bien rangé et qui, bon, ben, avait été décidé de tout son contenu anticlérical, alors que c'est ça le plus mordant chez Buy et c'est ça le plus intéressant, comme on va le voir. Oui. Ben, parlons du vrai, parce qu'il est vraiment très intéressant, effectivement. Il a un parcours hors du commun, et ça commence très, très vite. À quel milieu il appartient, le petit Arthur? Parce que déjà, ça nous en dit beaucoup sur le personnage et quel genre d'enfance il aura. Tout à fait. Il naît le 24 janvier 1840 à Côte-des-Neiges, donc à Montréal, du mariage de William Buy, qui est un riche banquier d'origine écossaise, et de Marie-Antoinette Léocadie d'Estimoville. Comme bon nombre de notables de l'époque, il est issu d'un mariage mixte. Si on pense à des gens comme Philippe Aubert de Gaspé, Félix-Gabriel Marchand, et plus près de nous, des gens comme Thomas Mulcair, Jean Charest et compagnie, il y a vraiment une mixité dans les élites qui est fort importante à l'époque. Et le milieu dans lequel il naît, c'est d'une part le milieu anglo-protestant, le milieu de la finance avec son père, et d'autre part, en fait, le milieu seigneurial avec sa mère, ces riches familles-là qui possédaient beaucoup de terres. Parce que c'est vraiment du côté de sa mère, le grand-père d'Arthur Buy, à un moment donné, a une dizaine de seigneuries, c'est ça? Tout à fait. On parle de Joseph Drapeau, qui était le seigneur qui possédait, c'est le Bas-Saint-Laurent presque en entier, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est une famille qui est assez intéressante, comme on va le voir. Ouais. Le père et la mère d'Arthur, ça non plus, c'est pas banal, partent en Guyana, en Amérique du Sud, alors que le petit Arthur n'a que 2 ans. Pourquoi? En 1841, s'ils partent au Guyana, c'est parce que la famille de la mère d'Arthur Bui a trempé dans quelque chose, une sombre affaire. Arthur Bui, en fait, est le neveu de Joséphine Éléonore d'Estimoville, cette femme du seigneur de Kamouraska qui va tomber amoureuse d'un beau médecin américain et qui va voir son mari mourir dans des circonstances louches. Et comme la famille est aux prises avec ce procès-là, qui bon, va faire le célèbre roman d'Anne Hébert, ouais. Kamouraska, eh bien, le père d'Arthur Bui préfère éloigner sa famille, mais en fait, plus éloigner sa femme que sa famille de ce contexte. Et il va donc laisser le jeune Arthur et sa sœur Victoria, qui est alors âgée de 4 ans, chez des grandes-tantes qui habitent à Rimouski. Donc, pendant le reste de son enfance, Arthur va passer ses hivers à Québec et ses étés à Rimouski avec ses grandes-tantes. Vers l'âge de 16 ans, Arthur va se retrouver en Europe. Après, il faut le dire, un court séjour chez son père au Guyana. Pourquoi il quitte le Québec d'abord et comment, après ce passage au Guyana, il se retrouve en Europe? Bien, s'il quitte le Québec, c'est parce que il en fait baver un petit peu à ses grandes tantes. Ouais. C'est un étudiant qui est brillant. Il a d'excellents résultats scolaires, mais il a beaucoup de misère avec l'autorité. Et donc, il va faire 3 collèges classiques différents. Il va en faire baver un petit peu à ses grandes tantes. Et ses grandes tantes vont dire, on est un peu tannés de l'avoir ouais. avec nous. Est-ce que, vont contacter le père. Est-ce que vous pourriez le reprendre? On n'en peut plus. Le père, qui s'est remarié entre-temps, la mère d'Arthur Bui étant morte de vraisemblablement de malaria. Il y a quelques années auparavant, bien, il va le prendre sous son aile et il va lui proposer de lui payer des études à Dublin, en anglais, au Trinity College. Mais le jeune Arthur Bui va rapidement se rebeller contre cette décision-là et il va décider, après avoir pris un petit peu d'argent, de filer vers Paris. Ouais. Donc là, il va faire, c'est la vie de bohème à Paris. Oui, c'est la vie de bohème et c'est la vie de rébellion contre son père dans une certaine mesure. Arthur Bui, B-U-I-E-S, le nom à l'origine s'écrit B-U-I-E et il rajoute le S pour franciser son ouais. nom et pour bien marquer une différence avec son père. Et à Paris, il étudie un petit peu au lycée Saint-Louis, mais il échoue ses examens, il boit, il rencontre des femmes et compagnie. Donc, ouais. c'est vraiment la vie de bohème dans tout ce qu'on peut imaginer. Il quitte Paris à un moment donné, criblé de dettes, puis ça c'est important ouais. parce que ça va le suivre toute sa vie. Cet homme-là va être oui. fauché, va être criblé de dettes toute sa vie ou à peu près. Il décide de partir. C'est pas rien non plus. Vraiment, il a un parcours, je le disais, mais très, très singulier, hors du commun. Il part en Italie. Il va rejoindre les troupes de Garibaldi, rien de moins. Que diable va-t-il faire dans cette galère? Eh bien, à une époque où Garibaldi veut envahir les États pontificaux pour créer une unité italienne, il va y avoir beaucoup de petits Canadiens français qui vont s'enrôler dans les zouaves pour aller défendre le pape. Arthur Bui fait le contraire. Ouais. Arthur Bui, en fait, s'enrôle dans les troupes garibaldiennes pour aller attaquer les États pontificaux. Mais ce dont on se rend compte lorsqu'on regarde les témoignages des gens avec qui il a fait ses campagnes militaires, c'est qu'au final, il est peut-être plus intéressé par les bons repas, le bon vin, puis la séduction et qui déjà il se défend pour ses idées anticléricales et que au final il va participer à une bataille mais que rapidement il va quitter puis il va retourner à Paris après s'être fait un petit peu oublier pour continuer à mener une vie de bohème de ce côté-là. Ce ne sera pas le plus vaillant des soldats, on va dire non. ça comme ça. Il revient donc après l'Italie, repassage par Paris, puis il revient au Québec en 1862. Là, il s'installe à Montréal, il devient membre de l'Institut canadien, ce qui lui permet de devenir un acteur de la vie intellectuelle du temps. Et très, très vite, donc, il va se démarquer par son anticléricalisme farouche. On écoute le comédien Paul Hébert lire un extrait d'un pamphlet qu'écrit Arthur Bui en 1864, où il dénonce, vous allez voir, la complaisance de l'Église face au pouvoir colonial anglais à la suite de la conquête. Extrait de l'émission Le Second Pouvoir, diffusé en 1982. Ce fut un jour malheureux où le clergé se sépara des citoyens. Il avait une belle mission à remplir, il la rejeta. Il pouvait éclairer les hommes, il préféra les obscurcir. Il pouvait montrer par le progrès la route de l'indépendance, il aima mieux sacrifier aux idoles de la terre et immoler le peuple à l'appui que lui donnerait la politique des conquérants. Il y a à peu près un demi-siècle, l'évêque Plessis demandait uniquement à la métropole qu'on voulût bien garantir le maintien de la foi catholique au Canada. Dès qu'il l'eut obtenu et que l'Angleterre vit tous les moyens qu'elle pourrait tirer pour sa domination du prestige que le clergé exerçait sur les masses, le Canada fut perdu. Les prêtres ne demandaient qu'une chose, la religion catholique, et ils abandonnaient tout le reste. Et plus tard, au nom de cette suggestion honteuse qu'ils recommandaient comme un devoir, ils anathématisaient les patriotes de 37 pendant que nos tyrans les immolaient sur les échafauds. On l'entend bien dans cet extrait, Arthur Buy est très critique de l'Église catholique, du clergé canadien. On entend aussi dans cet extrait son nationalisme canadien-français. Oui. Comment résumer, Alex Tremblay-Lamarche, cet anticléricalisme puis cet anticolonialisme britannique, en fait, d'Arthur Buy? Bien, c'est tout simplement, en fait, fort étonnant pour l'époque, tout simplement. Oui, il y a des critiques qui sont faites, mais jamais aussi fortes que celles d'Arthur Buy. Arthur Buy va parler des cléricocos pour parler du clergé, ce qui est assez fascinant. Il va également, en fait, dénoncer que, dans le fond, le clergé cherche davantage à étendre sa domination qu'à étendre la religion. Il va dire dans ses textes aussi que, tout jeune vicaire qui aspire à devenir, en fait, un prêtre rêve jour et nuit du nombre d'interdictions qu'il va pouvoir dire, du nombre de livres qu'il va pouvoir censurer. Puis s'il est un jour sans trouver, il perd toute chance de faire de lui un évêque sérieux. Ouais. Il y a beaucoup de sarcasme dans cette critique-là. Oui, il y a beaucoup de sarcasme, puis c'est très vivant. Puis c'est ça, il tire à boulet rouge sur à peu près tout. Ouais. L'Église, comme on vient de le dire, mais également, en fait, le pouvoir colonial britannique. Il critique notamment ces jeunes filles qui, sont en pamoison devant les beaux soldats britanniques. Et il y a un extrait assez sympathique que j'ai envie de vous partager. Il parle de mères qui trouvent leur salon vide tant qu'elles n'y ont pas entendu les... Et là, je cite, parce qu'il l'écrit dans une espèce de d'imitation de l'anglais, les « Oh, yes, certainly, blah, blah, blah, blasted country. Ouais. » Et donc, il y a vraiment cette volonté-là chez Arthur Buy de tirer à boulet rouge, en fait, sur ce que personne n'oserait dénoncer avec aussi de force à l'époque. Toute forme de pouvoir, en fait. C'est le rebelle qu'on voit s'exprimer dans ces textes-là. Arthur Buy est également un ardent défenseur de la langue française. Il se désole d'ailleurs du peu d'intérêt qu'on y porte au Canada français. Je vous propose d'écouter à nouveau le comédien Paul Hébert à l'émission Le Second Pouvoir. Cette fois, Paul Hébert lit un extrait d'une lettre qu'envoie Arthur Buy à sa sœur Victoria au moment où il étudie toujours à Paris. « Ne va pas croire qu'il soit facile d'écrire le français correctement. » Les fautes les plus grossières passent fort bien au Canada, parce qu'on ne sait pas le français. Voilà pourquoi l'on y prend de si mauvaises habitudes, non seulement dans la conversation, mais encore dans le style. Je me fais corriger ici des tournures, des phrases, des expressions qui passaient pour superbes aux yeux de mes professeurs du Canada, et qui ne sont pas même françaises. J'ai une peine infinie à écrire le français correctement, non seulement à cause de mes mauvaises habitudes prises au Canada, mais parce que je n'ai pas bien le génie de la langue. Nous n'avons pas chez nous de langue maternelle. Nous savons un jargon de langue. Sois sûr que nous ne parlons pas du tout français. Nous ne parlons pas non plus l'anglais. Ce que nous parlons, c'est un galimatia des deux langues. Un galimatia corrompu. Arthur Buy, donc, qui est vraiment, on vient de l'entendre, très, très critique du français parlé et enseigné ici. Tout à fait. Il juge qu'on enseigne mieux le français dans les collèges anglophones au Québec que dans les collèges classiques ou dans les à l'Université Laval, par exemple, parce que dans les collèges anglophones, on fait venir des professeurs de France. Ce dont on se rend compte à cette époque-là, c'est que le français du Canada a évolué d'une certaine façon en étant coupé de celui de la France, et on redécouvre la France après le passage de la Capricieuse, et on se rend compte que notre français a été fort teinté, en fait, d'anglicisme, et Arthur Buy va s'imposer comme un des plus ardent défenseur de la langue française à partir de ce moment-là. Ouais. Le rebelle Buy n'aime pas beaucoup le projet confédératif de 1867. Il décide à ce moment-là de partir, avec l'intention, en fait, de partir en France, de repartir à Paris, avec l'intention de s'y installer. Alex Tremblay-Lamarche. Oui, tout à fait. Il est dégoûté un petit peu par le Québec. C'est la Confédération, mais c'est aussi le fait que il se dépasse mal. Donc, il se dit, je vais faire carrière de journaliste en France. Il recontinue à faire une vie de bohème. Il rencontre George Sand, entre autres. Mais il se rend compte que c'est plus difficile que prévu de percer en France et criblé de dettes, ça revient tout le temps. Et lorsqu'on lit sa correspondance, il est toujours en train de demander de l'argent. Criblé de dettes, il doit rentrer au Canada en janvier 1868. Et à son retour au pays, il va créer le journal La Lanterne. L'auteur Marcel-Aimé Gagnon décrit le bras de fer qui va opposer Buy au clergé avec cette publication de ce journal La Lanterne, extrait de l'émission Partage du jour en 1964. La Lanterne, c'est un petit journal de 16 pages qui est très anticlérical. Au début de La Lanterne, il parle, j'essaie de retrouver ici une citation, il dit par exemple, « Seule l'indépendance intellectuelle absolue peut assurer le progrès de la nation. » Je crois que c'est un des thèmes principaux de La Lanterne. Alors, il est arrivé ceci, on vendait cette lanterne. Il n'y avait pas les moyens de diffusion et de communication comme aujourd'hui dans les restaurants, les boutiques, etc. Alors les curés passaient immédiatement après la livraison de la lanterne, ramassaient les lanternes et les brûlaient. Et les petits garçons, les camelots, dont les services étaient retenus pour faire la vente, le curé faisait venir ses camelots et lui disait, si tu continues à vendre, tu vas être damné, etc. Alors, plus le clergé rouspétait, plus Buis s'en prenait à eux dans le... Dans ses écrits. C'est ça. Donc, avec la publication de La Lanterne, Alex Tremblay-Lamarche, c'est vraiment la guerre ouverte entre Arthur Buis et le clergé. Tout à fait. C'est dans La Lanterne, notamment, qu'il va publier certains de ses écrits les plus violents et les plus vitrioliques envers le clergé. Monseigneur Taschereau va le dénoncer en chair, alors que, bon, Monseigneur Taschereau était quand même moins virulent que Monseigneur Bourget à Montréal. Monseigneur Bourget, c'est l'ennemi juré d'Arthur Buis. C'est ça, il aime se détester tous les deux, je me le plais à le penser. Malgré tout, en fait, Arthur Buis va être capable de faire tenir son journal 27 semaines, ce qui est quand même un exploit qu'on sait que, tu sais, il y avait même l'intimidation pour les petits camelots, là, tu sais, des enfants de 10-12 ans qui distribuaient le journal pour avoir quelques pièces et que, bon, le clergé allait les intimider, comme on l'a vu dans l'extrait. C'est ça, Arthur Buis, c'est quand même un exploit dans les circonstances d'avoir été capable de faire tenir sa lanterne pendant aussi longtemps. Mais après un certain temps, il va quand même décider d'aller vers Québec, il va se faire moins virulent vers l'Église et il va commencer une nouvelle phase de sa vie, si je peux m'exprimer ici. Il va toujours rester critique de l'Église, Arthur Buis, c'est un anticlérical convaincu, mais il va s'attarder à un autre projet qui lui est cher à partir de ce moment-là davantage, qui est le développement économique, social et culturel du Canada français. Il va publier des chroniques sur le sujet. Des chroniques dans différents journaux à partir de Québec. Donc, vous le disiez, il quitte Montréal pour Québec à ce moment-là. En 1879, il rencontre le curé Antoine Labelle. C'est pas rien pour un anticlérical pareil de rencontrer d'abord ce curé. Dans quelles circonstances se rencontrent les deux hommes? Eh bien, la petite histoire raconte que le curé Labelle serait venu à lui et aurait dit « Monsieur Buis, vous êtes mon homme ». Et que Buis, spontanément, aurait répondu « Je ne suis jamais l'homme d'un curé ». Et que le curé Labelle, qui avait bien de l'humour et qui, bon, était quelqu'un, c'est ça, qui était quand même ouvert d'esprit, aurait trouvé ça bien rigolo. Ouais. Et que les deux hommes, au final, auraient réussi à se parler et à quand même relativement bien s'entendre, ce qui est surprenant. Ben parce oui. que, bon, Arthur Buis mange du curé depuis, en fait, sa tendre enfance, on peut s'exprimer ou disons depuis l'âge de raison, alors que ben, c'est ça, ce pourquoi on le connaît. Au final, c'est pour avoir travaillé de concert avec le curé Labelle. Et ça pose une grande question. Comment expliquer? Ben, question double. D'abord, pourquoi le curé Labelle s'intéresse à un homme aussi critique à l'endroit de l'Église? Puis pourquoi Arthur Buis accepte de travailler avec le curé Labelle? Mais d'abord, le curé Labelle, pourquoi il se tourne vers lui? Il le connaît. Oui, il le connaît. En fait, Arthur Buis est un polémiste bien connu, mais c'est également quelqu'un qui a de la verve. C'est quelqu'un qui a de la plume. Il a écrit plusieurs chroniques, c'est ça, de nature géographique. Comme je le mentionnais juste avant, c'est quelqu'un qui a un nationalisme canadien-français. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui veut aider à l'épanouissement de la nation canadienne-française, qui voit, en fait, beaucoup de gens quitter pour les États-Unis et, bon, là-bas, mal parler la langue, s'assimiler et, bon, se mettre à genoux un petit peu devant le conquérant anglo-protestant que Arthur Buis dénonce vivement. Et donc, le curé Labelle voit en Arthur Buis quelqu'un qui a une bonne plume, quelqu'un qui, bon, veut faire œuvre utile pour le Canada français et quelqu'un qui a les compétences nécessaires, puisqu'il, bon, il a déjà fait un petit peu de géographie. Quand il était à Paris, il avait eu un contrat pour faire des brochures géographiques sur le Canada. Et donc, il veut mettre cette plume-là au service de son projet de colonisation. Mais il reste que Arthur Buis accepte quand même de travailler pour un curé. Oui. Pourquoi? Eh bien, on a dit un petit peu la réponse tout à l'heure. Arthur Buis est toujours fauché. Arthur Buis a besoin d'argent. Et c'est probablement aussi une certaine ouverture, une certaine modernité du curé Labelle qui fait que, bon, ben, il n'est pas face à un curé qui tente de tout interdire, mais il est face à un curé qui a un projet national. Et ben, c'est ce qui va séduire Arthur Buis. Le développement des régions, le développement économique du peuple canadien-français. Donc, il va se prêter au jeu. Il va réaliser, en fait, une œuvre assez importante, des textes magnifiques sur la description. Parce qu'au fond, fond, ce que lui demande le curé Labelle, c'est de décrire des textes qui vont inciter les Québécois à se rendre dans les régions à coloniser. Tout à fait. Il va, à partir de ce moment-là, commencer à se promener un petit peu au Saguenay, dans la vallée de l'Outaouais, pour être capable d'écrire des textes. D'ailleurs, il va écrire dans un texte, il n'y a rien comme un maringouin qui change plus le ton d'une chronique, ce qui est assez sympathique. Et à partir de ce moment-là, justement, il va écrire des belles tartines dans lesquelles il vante ces régions-là. Puis l'idée, en fait, est de les rendre séduisantes pour être capable d'amener des gens à aller de ce côté-là. Et c'est ça, on voit en fait très bien chez Arthur Buis son amour du territoire, notamment en fait de la côte du Sud et du Bas-Saint-Laurent. Il a des superbes textes sur Kamouraska, sur la région de Rimouski, où on sent vraiment en fait un amour viscéral pour le Québec. Ouais. Il va évidemment profiter du fait que le curé Labelle devient l'équivalent d'un sous-ministre. Oui, tout à fait. Va devenir fonctionnaire. Puis bon, il coule des jours plus tranquilles vers la fin de sa vie. Il vieillit en 1887. À 47 ans, il va se marier, fonder une famille. Et il meurt donc en 1901, Arthur Buis. Quel souvenir il laisse au moment de sa mort? Au moment de sa mort, eh bien, il laisse somme toute peu de souvenirs. Il va rapidement être oublié, si on peut s'exprimer ainsi. Et la critique religieuse, qui bon, est également la critique littéraire à l'époque, va faire de lui justement bon le maître incontesté de la chronique. Mais on va mentionner qu'il faut négliger certaines parties de l'œuvre de Buis et que c'est mieux que d'autres parties justement de son œuvre sombrent dans l'oubli. Ouais. Et donc, on garde en fait les textes où il vante bon le territoire, les textes bon qui sont collés sur le curé Labelle, mais tout le reste de son œuvre, qui à mon sens est la plus intéressante, en fait, est sapée dans un premier temps. Mais terminons justement avec cette œuvre-là qu'il nous laisse, l'ensemble de son œuvre. On va la redécouvrir dans les années 70, cette œuvre-là. Avec le recul, quel regard on peut porter sur cette œuvre, sur la qualité de cette œuvre? Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça n'a pas pris une ride. Lorsqu'on rit Arthur Buis, eh bien, on se bidonne. C'est particulièrement drôle, c'est particulièrement vivant. Il rit de la pudibonderie des gens. Il rit, en fait, de ces manies-là qu'on a au 19e siècle, d'être très, très soigné, très, très, en fait, précieux. Et si on veut, en fait, redécouvrir le 19e siècle, l'œuvre de Buis est probablement une des meilleures portes d'entrée. Sa lanterne, ça se trouve sur Internet, ça se trouve en librairie. C'est délicieux. C'est une excellente façon de découvrir les mœurs politiques, les stations balnéaires, les idées qui défraient la manchette, également les idées qui paraissent bien ronflantes aux yeux de Buis. Et donc, si vous voulez découvrir plus le personnage, je vous invite à lire son œuvre. C'est la meilleure façon de le connaître et vous allez avoir du plaisir, c'est garanti. Chronique d'une époque avec un sourire en coin, oui, en plus tout du long. Merci beaucoup Alex Tremblay-Lamarche, doctorant en histoire à l'Université Laval et à l'Université libre de Bruxelles. Merci. Toujours un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Charles-Antoine Lemay. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.